comment les étudiants haïtiens défendaient leur dignité à la Belle Époque. D'après la presse parisienne, à la fin du XIXe siècle, une centaine d'étudiants noirs fréquentaient le quartier latin. Les Haïtiens étaient les plus nombreux et ils tenaient le haut du pavé, car ils étaient citoyens d'un État indépendant qui disposait à Paris d'une légation, l'échelon situé juste en dessous de l'ambassade dans la hiérarchie diplomatique. Ils recevaient une pension de leur gouvernement, ce qui leur assurait une existence matérielle confortable. C'est au sein de cette petite communauté qu'émergèrent quelques intellectuels qui jouèrent un rôle important dans la réflexion sur la question de l'émancipation du monde noir. Dès cette époque, on constate néanmoins l'existence de points de vue très contrastés. Celui qui exerça l'influence la plus durable par ses écrits s'appelait Anténor Firmin. Né en 1850, les troubles politiques le contraignirent à quitter Haïti pour s'exiler en France, où il finit par occuper le poste d'ambassadeur. Admis en 1884 à la Société d'anthropologie de Paris, il publia un ouvrage intitulé « De l'égalité des races humaines », sans doute la première réfutation rigoureuse des thèses raciales du comte de Gobineau. Une autre figure importante du petit milieu des intellectuels haïtiens ayant vécu à Paris à la fin du XIXe siècle est celle de Massillon Kouakou. Né en 1867 à Port-au-Prince, il occupa à Paris le poste de secrétaire de la Légation de Haïti. Poète et auteur de pièces de théâtre, Kouakou déplorait l'indifférence de la France pour sa sœur des Antilles, en rappelant les propos de l'historien Jules Michelet qui avait présenté Haïti comme la France noire. Lui-même avait fait l'amère expérience de cette indifférence, puisqu'il avait envoyé l'un de ses romans à Émile Zola. Mais ce dernier ne se donna même pas la peine de lui répondre, sans doute trop occupé par l'affaire Dreyfus. Le troisième intellectuel haïtien qui joua un rôle important en France en cette fin du XIXe siècle s'appelait Marie-Joseph Benoît d'Artagnan Sylvain, dit Benito Sylvain. Né en 1868, il fut successivement journaliste, diplomate puis avocat. Des trois figures que j'ai retenues pour la chronique d'aujourd'hui, Benito Sylvain est celui qui a joué le rôle le plus important dans le combat politique contre la domination coloniale française. En 1894, il tenta d'organiser les étudiants haïtiens en France en fondant le Cercle de l'Union fraternelle. Quelques années plus tard, il dota ce mouvement d'un journal intitulé « La Fraternité, organe des intérêts d'Haïti et de la race noire » qu'il dirigea jusqu'en 1897. Benito Sylvain joua un rôle essentiel aussi dans la création de l'éphémère Comité oriental et africain qui dénonça avec véhémence les exactions coloniales en Afrique. En 1896, après la fameuse bataille d'Adoua qui se solda par la victoire du Négus Ménélik II contre les troupes italiennes, Benito Sylvain effectua plusieurs séjours en Éthiopie pour se mettre au service du Négus. Dans le dernier texte que l'on a gardé de lui, tiré d'une conférence prononcée à Lille en 1905, il se présentait comme un homme de cœur au service d'une cause juste, mais désespérée. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des cofondateurs du panafricanisme.